est mardi après-midi et nous venons d'arriver dans la forêt de Tarkaïn. Au milieu d'un tournant, une piste nous amène à ce qui ressemble à un campement amérindien. Il y a deux grands tipis blancs, des abris faits de bâches et des tentes disséminées de part et d'autre de la piste. Au bout, attachée grâce à trois grands bouts de bois, une bannière flotte 10 mètres au-dessus du sol, Protect the Tarkaïn. Yeah, welcome. Yeah, I mean, find a spot to pull up and come and join us. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Scott, le coordinateur du blocus. Ça fait 4 mois qu'il s'occupe du campement en alternance avec Jenny. Tous les deux sont des représentants de la Bob Brown Foundation, une organisation qui lutte pour la préservation de la nature. Comme Lana et John, deux Américains, nous sommes venus passer la nuit sur le blocus. Nous qui pensions dormir dans notre tente, nous aurons finalement la chance de dormir suspendus aux arbres dans un grand hamac. Alors que nous installons rapidement nos affaires, Lana nous convie à manger sous le grand tipi commun. Guidés par l'odeur épicée d'un riz au curry vegan, nous nous joignons au reste du groupe, installés sous une moustiquaire. Ce soir, avec Scott, nous sommes 11 à occuper les lieux. Ça fait 4 mois que des personnes défilent, passent une ou plusieurs nuits sur place pour soutenir le blocus. Après manger, on se retrouve à discuter politique avec Scott, John et Beau, un Australien venu sur le camp avec sa belle-fille. La discussion va vite, l'accent australien est parfois difficile à saisir, mais les points de vue sont intéressants. Le couple américain a quitté son pays pour découvrir de nouvelles façons de vivre. L'Amérique de Trump, ils n'en veulent pas. Beau nous interroge sur les gilets jaunes en France. On se retrouve à raconter une situation dont nos proches nous parlent, mais que nous ne connaissons pas par nous-mêmes. Depuis cette forêt millénaire au fin fond de la Tasmanie, la France nous semble loin. Ce qu'il s'y passe est fou. Le soleil se couche. Nous retournons dans la forêt retrouver notre toit pour la nuit, ou plutôt notre moustiquaire. Nous nous réveillons sous les arbres avec les premiers rayons du soleil qui s'immiscent entre les branches d'eucalyptus. Ce matin, nous partons en exploration dans la forêt de Tarkaïn. Le chemin a été soigneusement délimité par des militants à l'aide de bouts de tissu rose. Le sentier, lui, disparaît régulièrement sous nos pieds. Il est peu emprunté. Nous nous enfonçons sous une canopée de plus en plus dense. On se sent minuscule au milieu d'arbres plusieurs fois centenaires. Ils semblent veiller sur un tout dont nous faisons partie. La forêt résonne à travers nous et on saisit enfin la ferveur et l'émotion avec lesquelles les militants nous parlaient de Tarkaïn.